Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et quatre épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 5 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, une série de Madeleine Mukamabano réalisée par Mehdi Eladj et remontée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un printemps meurtrier, il y a 25 ans, et une série qui a fait date et qu'on est fier de rediffuser, mais sous un autre format, puisqu'au départ, il y avait 5 épisodes de 75 minutes. En 1999, la journaliste franco-rwandaise Madeleine Mukamabano était allée enregistrer les témoignages de rescapés, mais aussi de certains génocidaires et de plusieurs intellectuels condamnés à revivre ensemble. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui n'oubliera pas, un curé qui voit clair, une femme emprisonnée, un génocidaire sans remords, deux animateurs de radio propagandistes, une prisonnière qui proteste, un homme qui veut la justice, une femme qui a perdu sa famille, un ministre de la justice et un avocat. Ensuite le décor, l'exil impossible, une cohabitation forcée, une prison au Rwanda, des aveux, des tribunaux, une administration et une classe politique complices et actives, l'habitude de l'impunité, des actes planifiés, des machettes, des viols, une radio meurtrière, des juridictions gachacha, des réparations, des restitutions et des marais de papyrus. Aujourd'hui, quatrième épisode, on écoute celui qui se souvient. Rwanda, 1999. Revivre à tout prix. Mehdi Eladj, Madeleine Mukamabano. Que l'on ne me dise pas que je ne peux pas identifier les génocidaires. Ils ont tué en plein jour et j'étais présent. Quand je suis rentré du Burundi, j'ai retrouvé les voisins qui avaient exterminé ma famille et tous les miens. Ils croyaient bien sûr que j'étais mort. Au début, ils avaient honte. Ils n'osaient pas me regarder en face. La première fois que je suis revenu chez moi, il était 8 heures du soir, les voisins se sont enfuis. Mais ils sont vite revenus. Seulement 5 d'entre eux sont en prison. Eux seuls, ils n'ont pas pu décimer la moitié de la population que représentaient alors les Tutsis d'ici. Le problème, c'est que l'on ne peut pas mettre tous les assassins en prison. Nous sommes donc forcés de cohabiter. Que puis-je faire? Je ne veux pas me suicider. Je ne peux pas les fuir. Je n'ai pas où aller. Je ne peux pas m'exiler sur un nuage. Le Rwanda nous appartient à tous, à eux comme à moi. Située dans un cadre bucolique au sommet d'une colline, tout près de la frontière burundaise, la prison de Lerima est en quelque sorte la vitrine de l'univers carcéral rwandais. Les prisonniers passent une grande partie de la journée en plein air, au milieu des champs. Rien à voir avec la tension qui règne à la prison centrale de Kigali. Lerima compte aussi le plus grand nombre de prisonniers qui ont spontanément avoué leurs crimes. Car le soir tombe, dans les quartiers de haute sécurité, les chats agressifs, accompagnés de battements de mains et de sifflets à roulettes, résonnent comme un écho des assauts des miliciens pendant le génocide. Nous donnons toute la possibilité d'y entrer et de causer avec n'importe qui. Mais actuellement, à partir de cette heure-ci, non. Lorsque la guerre s'est arrêtée, les véritables cerveaux du génocide s'étaient déjà envolés pour l'Europe ou pour d'autres pays africains. Un petit nombre d'entre eux sont jugés par le tribunal international d'Arusha en Tanzanie. Au Rwanda, le Front patriotique à majorité Tutsi qui venait de prendre le pouvoir a procédé à des arrestations massives des auteurs présumés du génocide. Les prisonniers étaient entassés par milliers et vivaient dans des conditions qualifiées d'inhumaines par les associations des droits de l'homme. Ces arrestations ont surpris tout le monde. Coupables et victimes. La situation était inédite. Lors des autres massacres qui ont jalonné l'histoire du pays depuis 1959, personne n'avait jamais été jugé pour avoir tué un Tutsi. Du reste, aucun Tutsi n'aurait osé porter plainte. Avoir un membre de la famille assassiné ou réfugié dans l'un des pays limitrophes constituait une menace pour les survivants. Ils devenaient des citoyens suspects qui devaient cacher leur mort. Dans les lycées, les orphelins inventaient des histoires pour justifier l'absence des parents. Dans ce pays où la culture donne impunité profondément ancrée, aujourd'hui la justice est devenue un enjeu politique entre les deux ethnies. Certains Hutus n'hésitent pas à l'assimiler à un instrument de vengeance. Un sentiment renforcé par le nombre impressionnant des prisonniers et par les lenteurs dans l'appareil judiciaire démuni. 5 ans après le génocide, au sein des populations rwandaises, les résistances à la nécessité de rendre justice sont manifestes. Les prisonniers ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour les crimes commandités par le pouvoir de l'époque. Les témoins des massacres gardent le silence et dans les campagnes, certaines victimes n'osent pas se constituer partie civile par peur des voisins. Dans ce contexte particulier, où les prévenus sont issus de l'ethnie majoritaire, pour laisser une chance à la réconciliation entre la communauté, la justice, dans sa forme classique, s'accommode de compromis. Ce soir, le temps du pardon. Le père Eustache, curé de la paroisse de Chirangui. J'entends précisément qu'on fasse la vérité sur ce qui s'est passé dans ce pays. Vous savez, les gens ont commencé à habiter entre voisins. Mais on sait bien que ce sont des gens qui ont tué leurs voisins, leurs amis même, leurs collègues de travail. Bien sûr, c'est pas très difficile de savoir qui a fait quoi. C'est pas très difficile. Mais j'ai l'impression que la volonté politique manque. Moi, personnellement, je suis choqué quand je vois qu'on demande à un pauvre petit enfant de 10, de 15 ans de dire qu'est-ce qui s'est passé sur, parce que les nuits survivants de la Corine, par exemple. Pourquoi aller s'adresser à ce petit? On devrait demander plutôt aux gens qui habitent là et qui eux, ne se cachaient pas. Et qui avaient tout le temps, tout le loisir de voir, même s'ils n'ont pas trempé directement, mais ils savent qui a fait quoi. Mais cela, on l'évite, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a peur, parce que, vous savez, massacrer 1 million de personnes en 3 mois, il faut beaucoup de bras, il faut beaucoup de force. Il y a plein de criminels qui sont encore en plein air et qui, malheureusement, avec le temps, vont finir par cautériser leur conscience. Il ne s'est rien passé. Alors moi, je suis inquiet. C'est même une trahison contre la vérité. La justice ici, c'est quelque chose de très compliqué. Et j'ai l'impression que devant l'immensité de ce problème, même les autorités politiques ont peur d'avancer plus en avant. Prison centrale de Kigali, quartier des femmes. Nous sommes 7 membres de la même famille en prison. Mon mari, mes enfants et mes beaux-frères. Ma propriété a été récupérée par les gens qui m'ont fait arrêter pour génocide. J'ai un enfant de 14 ans qui est tout seul à la maison. Et j'ai ici un autre de 2 ans, né en prison. Je n'ai personne à qui le confier. Je suis en prison depuis 2 ans. Mon mari, mon fils de 20 ans et mes beaux-frères sont là depuis 3 ans. On m'a dit que j'étais en détention préventive et qu'on faisait des enquêtes en ce qui me concerne. C'est quoi ces enquêtes qui n'en finissent pas? Il m'arrive de péter les plombs parce que j'ai reçu des coups sur la tête au moment de mon arrestation. Je deviens violente, je m'attaque aux gens et je mange mes excréments Avant, je n'avais jamais fait ça. Je survis grâce aux comprimés qu'on m'envoie de l'hôpital psychiatrique. À la prison centrale de Kigali, c'est le vendredi, le jour de visite. Les familles des prisonniers attendent dehors. Jean-Christophe, responsable des prisonniers, lui-même incarcéré pour génocide. C'est le jour des visites. On se prépare pour aller rencontrer les membres de la famille qui nous apportent à manger des habits et autres accessoires, d'autres choses nécessaires pour un prisonnier. Vous allez voir là-bas, ils sont entassés. Ils se préparent déjà pour aller rencontrer les membres de leur famille. L'organisation interne, ici à la PCK, nous avons 12 blocs. Et ces 12 blocs, ils contiennent à peu près 200 personnes, chaque bloc. Autre chose, c'est que nous avons à peu près 7800 prisonniers, hommes, et il y a 670 femmes et 27 enfants. 27 enfants, oui. Nés en prison ou... Il y a des mineurs qui sont venus avec leur maman et il y a d'autres qui sont nés ici. Il y en a qui naissent ici à cause des femmes enceintes qu'on emprisonne. En tout, nous avons 8500, aux environs de 8500 personnes ici, femmes et hommes confondus. Il y a combien de parmi tous ces prisonniers, il y a combien qui ont eu des procès ou qui sont en cours de procès? C'est très peu. Les gens qui ont déjà terminé avec la tribune instance, ils sont aux environs de à peu près 70 personnes qui ont été condamnées. Et en cours de procès, c'est à peu près une centaine. Alors, je me suis rendu compte, en fait, quand on se promène un peu partout dans Kigali, et même ici à l'extérieur de la prison, on voit des prisonniers dehors. Mm-hmm. Est-ce que vous travaillez? Oui, il y a des équipes de production qui vont à l'extérieur pour la construction des maisons, pour le terrassement et pour le travail dans les champs. On travaille à l'extérieur et c'est au profit de la prison. Les prisonniers qui sont condamnés à perpétuité ou à mort vont travailler aussi dans... Non, c'est interdit pour eux de sortir. Ils ne quittent pas la prison, ils sont obligés de rester ici. Ce sont les autres, les non-condamnés, ceux qui attendent le procès, qui vont travailler sur les équipes. Est-ce que les droits qu'on met, eux aussi, ils ne vont pas à l'extérieur pour travailler aux équipes parce que ce sont eux qui tentent souvent de s'évader. Ah bon, c'est les droits communs qui tentent de s'évader. Les droits communs qui tentent de s'évader. Et pourquoi pas ceux qui sont accusés de génocide alors ne tentent pas de s'évader? Ils viennent de passer à peu près 4 ou 5 ans ici. Ils n'ont pas de pièces. C'est-à-dire que s'ils arrivent à l'extérieur, ils seront directement attrapés. Ils n'ont pas de pièces d'identité. Ils n'ont pas de pièces d'identité. Autre chose, c'est qu'il y a pas mal d'innocents là-dedans. Pour un innocent, s'évader, ce n'est pas significatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de cadres supérieurs comme vous? Il y en a. Quel type de cadre, par exemple? Il y a les députés, les anciens députés, il y a les ambassadeurs, il y a les fonctionnaires de l'État, il y a les ministres. Les ministres. Et les paysans aussi. Ils n'étaient pas responsables, disons, de la même manière. Raison pour laquelle on a mis ces catégories. Jean de Dieu Moukio, ministre de la Justice. La quatrième catégorie, si on commence avec la quatrième catégorie, ce sont les gens qui ont, disons, détruit les maisons avec les vaches. Vous savez que les vaches, qui ont abattu les vaches, qui ont mangé. Puis là, c'est la quatrième catégorie. Il y a beaucoup de gens qui ont pillé. Beaucoup, beaucoup. Bon, pour la troisième catégorie, ce sont les gens qui ont blessé. Là, c'est une catégorie où il y a très peu de gens. D'après ce que je remarque, d'après ce que j'ai vu quand j'étais encore à la direction de la police judiciaire, parce que celui qui osait lever la machette et frapper quelqu'un, en général, il le faisait pour le tuer. Et quand il le faisait une fois, c'était très rare que ce soit seulement cette fois. Il le faisait pour plusieurs personnes. Deuxième catégorie, c'est là où il y a plusieurs personnes. Quand on a fait les réunions avec les procureurs, on disait que c'était même dans les 90%. Entre 80 et 90% des gens qui sont dans nos prisons. Ce sont des gens qui ont tué, qui ont suivi, qui étaient sur des barrières, qui ont tué, mais qui n'ont pas, parmi ces gens qui sont les planificateurs, ou qui ont été vraiment caractérisés par, disons, les gens qui étaient vraiment virulents, ou qui ont fait ces tortures sexuelles, parce que ces gens sont dans la première catégorie, les planificateurs, qui ont fait les tortures sexuelles. Les gens, vous savez qu'il y avait des gens, on disait, celui-là, il est spécialiste de la machette. Alors on amenait les gens, c'était lui qui coupait, disons, les têtes. Ou bien on disait, lui, il est spécialiste des enfants, pour tuer ses enfants. Vous savez, il y a des gens qui prenaient les enfants par les jambes, avec la tête là, sur les murs. Ces gens-là sont dans la première catégorie. Est-ce qu'ici, les gens sont classés par catégorie? Nous sommes mélangés. Il y a les gens qui se trouvent sur la première catégorie et aussi ils sont avec tout le monde. Il n'y a pas de sélection ici. Dites-moi, est-ce que les gens, quand ils sont dans des groupes comme ça, ils évoquent les raisons qui les ont amenés ici? Des fois, ils arrivent. Quand ils proviennent d'une même région, ils parviennent à parler. Ils parviennent à discuter pour se rappeler les effets, comment ça s'est passé. C'est pourquoi des fois, il y a des petits groupes par région, pendant la journée, pour discuter, pour rater les effets, pour se rappeler, pour du mieux préparer les procès, ainsi que les aveux. Il y a un groupe qu'on appelle Unité juridique, qui aide les prisonniers à préparer les dossiers, qui essaie de sensibiliser les gens et de leur montrer l'intérêt d'avouer les choses qu'on a fait parce que la loi va diminuer les peines. On essaie régulièrement et à longueur des mois et des mois à donner ces cours de droit à tout le monde. Par conférence, on les rencontre par bloc pour sensibiliser certains gens, pour leur demander à avouer les crimes qu'ils ont faits. Et cette unité est composée de prisonniers? De prisonniers eux-mêmes. Qui étaient avocats, juristes? Qui étaient les IPJ, les juristes, les maîtres, les avocats, et ainsi de suite. Les officiers de la police judiciaire? Oui. C'était un groupe d'intellectuels qui ont vu l'intérêt d'avouer les fautes, d'avouer les peines, et qui essaient d'expliquer à leurs collègues les intérêts qu'ils rencontrent là-dedans à en avoir les fautes commises. À écouter les prisonniers, on se rend bien compte que faire des aveux n'entraîne pas nécessairement une prise de conscience de la responsabilité individuelle. C'est sans doute là que réside l'une des inquiétudes quant à l'avenir des relations entre Hutu et Tutsi. Le nom de Jean-Pierre Hategekimana, plus connu sous son sobriquet Ninja, fait encore frémir les habitants de Bidiogo, l'un des quartiers populaires de Kigali. Ninja y était, semble-t-il, l'un des organisateurs du génocide et savait mieux que quiconque traquer ses victimes. Il est aujourd'hui incarcéré à la prison de Kigali, jugé et condamné à mort. Le visage dur, les yeux injectés de sang, Ninja parle sans desserrer les mâchoires. Il minimise le nombre de ses victimes et essaie de se faire passer pour un simple paysan. On le croirait presque, s'il y avait sa rhétorique, propre au cadre de l'ancien parti unique. Ibyaha nakoze nahise mbyemera cyane cyane ko kubera ko nari nabikoze atari imigambi nateguye. Quand j'ai été arrêté, j'ai avoué mes crimes. La démarche a été facilitée par le fait que je n'avais pas prémédité ces crimes. En faisant des aveux, j'espérais bénéficier d'une certaine clémence. Et je croyais que ma peine serait réduite. Après tout, avouer, c'est une façon de demander pardon aux victimes et à Dieu. Et puis il faut dire aussi qu'en commettant ces crimes, j'étais persuadé qu'ils resteraient impunis puisque les assassins étaient soutenus par le pouvoir. À l'époque, il y avait chez les Rwandais une certaine habitude d'obéir au pouvoir. Quand les autorités t'ordonnaient de faire quelque chose, tu t'exécutais en te disant que tu ne risquais rien. À notre retour du Zaïre, nous avons accepté de revenir parmi ceux que nous avons endeuillés. Nous avons décidé de leur demander pardon et leur dire que nous les avons massacrés sans préméditation. L'aveu n'a servi à rien. Il n'y a pas eu de clémence. Il y a des victimes et il y a ceux qui ont commis des mauvais actes. La justice est censée s'occuper des deux. Je pensais que pour nous réconcilier, elle allait se montrer clémente et nous gracier. Ça n'a pas été le cas. Les problèmes ethniques ont été créés par les autorités. Moi, de toute ma vie, je n'avais jamais eu de problème avec les Tutsis. Je n'étais même pas capable de distinguer un Hutu d'un Tutsi. Tout a commencé en 1994. J'ai bien sûr été condamné à mort pour les crimes que j'ai commis, mais c'est le pouvoir qui m'a poussé à les commettre. Vous avez fait un tour complet de la prison. J'avais dû remarquer que la plupart des prisonniers, ce sont de petites gens sans instruction. Voir un petit paysan qui n'avait ni salaire, ni rien gagné, condamné pour génocide, c'est vraiment un problème. Bien sûr, l'homme du peuple a lui aussi son libre arbitre. Mais il n'aurait jamais tué les gens comme ça, délibérément. Ils n'en avaient pas reçu l'ordre. Il y a des gens du peuple qui ont refusé de tuer, mais eux et leurs familles l'ont payé cher. Comme on dit chez nous, quand on jette la vie en l'air, chacun ramasse la sienne. Quand je suis arrivé ici, j'ai pensé à deux procédures au niveau des parquets pour accélérer les dossiers et à continuer la procédure de sensibilisation. De tenir aux avantages de l'aveu, parce qu'on a remarqué que quand même, avec la sensibilisation, il y a beaucoup de gens qui avouent. Jusque maintenant, on est dans les à peu près 15 000. Le problème qu'on a eu seulement, c'est le problème, disons, de les séparer des durs. Là où on a des blocs, ça va très rapidement. Mais là où il n'y a pas, disons, de possibilité de les séparer, où il y a un seul bloc, c'est très difficile parce que quelquefois ils ont peur. Si on donne l'exemple du parquet de Nyamata, de la prison de Rilima, on a commencé, il y avait seulement une vingtaine, mais maintenant on arrive dans les 2000 sur 8000 qui sont dans cette prison. Et ça continue. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le bloc qui avait été construit pour les gens qui avouent, a été complètement rempli. Les avantages de l'AVE, c'est pas seulement pour le ministère de la Justice. Pour le ministère de la Justice, ça facilite les enquêtes. Pour avouer, il doit, disons, dénoncer ses complices. Et quand il dénonce ses complices, c'est très facile, disons, de les toucher. Mais ça aussi est un autre avantage, même côté social, parce qu'en général, quand il avoue, il dit ce qui s'est passé et quelquefois, en général, il demande pardon, même si on ne sait pas s'il le fait, disons, s'il est sincère. De son côté aussi, il a l'avantage que sa peine est réduite. Est-ce que parmi tous ces condamnés à mort, est-ce qu'ils ont un comportement spécial par rapport aux autres prisonniers? Jusqu'à présent, nous avons eu de la chance parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui sont condamnés à mort. Ils sont encore très peu, raison pour laquelle ils sont obligés de se comporter comme tous les prisonniers. Ils sont obligés d'avoir la discipline qu'on demande à tout prisonnier. Il y a eu des exécutions capitales. Est-ce que les prisonniers venaient d'ici? Il y en a eu qui ont quitté notre prison, à peu près 4 ou 5, qui ont été exécutés à Nyamirambo, d'autres à Nyamata, d'autres à Byumba. Ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur parce qu'au début, on ne croyait pas qu'on allait tuer les gens. On croyait qu'il y aurait la grâce présidentielle. Et même jusqu'à la dernière minute, on avait l'espoir que le président allait donner la grâce à ses condamnés à mourir. Mais nous avons été aussi surpris. Et tout le monde a eu peur ici à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons eu beaucoup d'aveux, juste après. Il y en a qui ont voulu avouer pour que la peine soit un peu réduite. Radio RTLM, nous avons eu un peu de temps pour que nous puissions twita ku munsi w'abatagatifu bose n'abakristo n'abakristo mu Rwanda n'undi munsi mukuru cyane cyane bivuge umunsi mukuru w'abahutu. La désormais tristement célèbre Radio-Télévision Libre des Mille Collines, la RTLM, a été créée en 1993 par l'un des idéologues du génocide, Ferdinand Naïmana, historien, ancien étudiant de la Sorbonne. Dès sa création, la RTLM est saluée par la presse extrémiste Hutu comme la voix qui réveille et défend le peuple majoritaire. Elle devient très vite la radio que tous les Rwandais écoutent. Elle fascine par son audace. Des journalistes talentueux déversent avec humour un flot de propagande ethniste, entrecoupé de musiques zaïroises et d'arengaines et d'enchanteurs populaires qui appellent à tuer les Tutsis. Pendant le génocide, la RTLM appelle ouvertement à l'extermination des Tutsis. Elle stimule le zèle des miliciens, fait le lien entre les différents groupes qui tiennent des barrages un peu partout dans le pays, leur signale les endroits où il reste encore des gens à tuer. La RTLM fut sans doute l'un des outils les plus efficaces du génocide. Aujourd'hui, son ancien directeur ainsi que l'animateur belge Georges Rougiou sont jugés par le tribunal international d'Arusha. Noël Yitimana, intelligent, vif et drôle, était l'un des journalistes vedettes de l'équipe de la RTLM. Il est aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Kigali. Avant le génocide, j'étais chômeur, mais ma vie professionnelle, c'est, je suis journaliste. J'ai travaillé à Radio Rwanda pendant 15 ans et j'ai travaillé pour RTLM. La radio. Radio Télévision Libre de Mille Collines. RTLM, j'ai travaillé pendant, c'était 6 mois. Six mois, oui. Alors, on vous a arrêté à cause de l'action de la radio des Mille Collines pendant le génocide? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne connais pas mon dossier. Et quand je suis revenu du Zaïre, je me suis débrouillé. Parce qu'on ne se laisse pas arrêter. Je me suis débrouillé, je me suis caché quelque part. Après 6 mois, j'étais pas loin du camp militaire. Ben, ils sont venus, ils ont dit, on cherche Noël. J'ai dit, je suis là. Et où est-ce que vous étiez pendant le génocide, pendant les mois du génocide, au moins les 2 premiers mois? Le génocide a commencé, je crois, entre le 6 et le 7. Le 7 matin, moi, je me suis rendu au service de Nyamirambo jusqu'à la RTLM. Arrivé à la RTLM, les programmes avaient changé. À la radio des Mille Collines. Les programmes changeaient, tout changeait, tout le monde paniquait. Et alors, le rédacteur en chef devait tenir des ordres. Lui, il devait dire, vous suivez maintenant, c'est la guerre. C'est la guerre, le président est mort, le quoi. C'est la guerre. Noël, tu prends le micro, tu suis ce qu'on te donne. La rédaction fait la rédaction. C'était une radio sans programme. On me disait, mettez de la musique. Après 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, Noël annonce ceci. Et qu'est-ce que vous deviez annoncer? J'annonce ce qu'on me donnait. Mais par exemple? Par exemple, les militaires de Rwandais sont en train de les pourchasser sur les collines de je ne sais pas où, ou là où je ne voyais pas. Mais c'était une guerre à la RTLM sur des gens à l'extérieur qu'on ne voyait pas. Et quels sont les messages par rapport au génocide qu'on vous donnait à faire passer? Les messages? Oui. Les messages, ça dépendait des messages que le rédacteur en chef me donnait. Oui. Moi, je me souviens des messages qu'il me donnait. Ça ne m'intéressait pas, même pas de classe. Je ne classais pas, je redonnais le même papier au rédacteur en chef. La radio, vous avez des cassettes. Vous avez des cassettes? Tout ce qu'on a raconté, moi je ne m'en souviens même plus. Alors, je sais pas, on vous a entendu justement sur les cassettes de la radio de Mille Collines, oui, en train d'encourager les tueurs. Ah. C'est les ordres qui vous avaient été donnés, ça? Si vous m'avez entendu, si vous avez ces cassettes, c'est que vous me les a donné et que j'ai lu ce qu'on m'a donné. Je n'ai rien inventé. Non, mais justement, vous n'avez rien inventé, mais est-ce que vous avez oublié? Parce que je vous demande de me dire, d'essayer de vous rappeler ce que vous passiez. Je ne peux pas me rappeler. Parce que me rappeler, c'est me mettre dans un embarras de choses que je ne répéterai pas ou que je dirai, quel imbécile. Est-ce que j'ai pensé que je devais me mettre à... Non, je ne sais pas. Sauf si j'écoutais ce que je disais. Et je ne peux pas. Moi, j'ai écouté ce que vous disiez. Ah, j'ai écouté les cassettes. Vous disiez aux tueurs, allez, courage, c'est pas fini. Allez à tel endroit, il y a encore des cancres là qui se cachent. Vous ne vous rappelez pas de tout ça? Si cela... Moi, j'ai travaillé entre le 7 et le 17. Les 10 jours. Oui. Si pendant les 10 jours... Il y a eu des moments où j'ai encouragé ces gens-là à courir derrière ces gens-là ou à tuer ces gens-là. C'est que je recevais cet ordre-là de le faire. Quelle était l'ambiance? L'ambiance, c'était à la folie. Non, dans la rédaction de la RTLM. C'était pas gay. C'était pas gay du tout. C'était pas gay. Et aujourd'hui, je regrette toute cette folie. Travailler comme ça, à quoi ça a servi? Ça a servi à me faire couper l'argent, à me rendre comme ça, un infirme. Je vais mourir à quel âge? Quand vous faisiez ces animations qui encourageaient les tueurs en leur indiquant où sont les gens, etc., est-ce qu'à aucun moment vous vous êtes posé la question de dire ce que je fais n'est pas bien? Non, à la base, vous partez avec un principe de me faire comprendre et de me mettre dans le sang que je ne faisais que dire aux gens de courir derrière d'autres et de les tuer. Moi, je ne crois pas avoir fait ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois avoir rendu le service qu'on me demandait. Si la jeunesse de Kibouye envoyait un message pour faire passer, pour encourager l'armée. On lisait ça. S'il fallait passer Bikindi comme deux fois, on passait Bikindi comme deux fois. S'il fallait passer comment, d'autres encouragements, on les passait. S'il fallait voir, je ne sais pas où le message venait, mais on le faisait. Oui, mais justement, quand vous passiez ces messages qui étaient des messages qui invitaient quand même à tuer les gens, est-ce que vous vous êtes dit, ces messages ne sont pas bons? Et vous savez, quand quelqu'un a un fusil, et quand c'est comme un micro, quand on lui dit de tirer, il tire. Quand on lui dit de lire, il lit devant le micro. Il laisse couler, c'est comme à l'usine. Moi, je suis un agent. On me fait passer ce que je passe, et je le passe. Vous ne pouviez pas vous dire, j'ai envie de désobéir. Désobéir, c'est rentrer chez moi. C'était difficile, je ne pouvais pas. Et quand vous voyez tous ces corps qui jonchaient Kigali, des cadavres, je n'ai rien vu. J'ai rien vu. Moi, personnellement, je n'ai rien vu. Moi, personnellement, le génocide, on m'aura raconté. Parce que le 17, je suis allé à l'hôpital de Rugunga, CICR, dire que j'ai vu le génocide. Moi, je n'ai pas vu des gens tuer des gens. J'ai pas eu aucune occasion de le voir. Non. Moi, je souffrais, j'étais dans d'autres problèmes. Vous avez su qu'il y a eu un génocide? Oui. Oui, on me l'a expliqué, je sais. Et aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous, après tout ça, après toute cette période? Le regret doit être de tout Rwandais. Surtout moi qui ai participé un peu à ces histoires. C'est moi qui dois regretter. Moi, je regrette beaucoup. Vous étiez un très bon animateur, hein, je peux vous le dire. J'ai fait 15 ans de Radio Rwanda et j'ai eu le mérite d'avoir le premier prix du pays d'être meilleur animateur du pays en 1979. C'est pour cela que la radio des Mille Collines, on vous a gardé 10 jours d'affilée. On m'a gardé, c'est pas 10 jours d'affilée, on m'a gardé. Ils ont eu le malheur que la bombe est tombée, que c'est tombé sur moi. Le 17 avril à 13h précisément. Quand j'étais en train de lire les messages qu'on me donnait, j'ai demandé à un collègue qu'il puisse donner les informations résumées de la semaine. Quand je disais ça, c'est une bombe, je ne sais pas quoi, est tombée sur la maison. Hein? Sur le local de la radio. Sur le local de la radio. Alors moi, j'ai reçu les écrans et j'ai dit au micro, la trois chacha, on tire dessus. On nous tire dessus, mon frère. Alors, couche. Et on m'a amené à l'hôpital directement. Dans cette prison, il y a de petites gens, des paysans, des gens de la ville, mais qui étaient vraiment de petites gens. Et il y a aussi de grandes personnalités politiques de l'ancien régime. Il y a des ministres, il y a des ambassadeurs. Quelles sont les relations entre ces responsables politiques et le petit peuple qui est dans la même prison qu'eux? Des fois, on les rencontre, ils partagent, ils sont ensemble, dans les cultes, quand il y a des jeux, quand il y a quelque chose qui rassemble beaucoup de gens. Et les gens qui approchent ces personnalités, les très hautes personnalités, les anciens fonctionnaires de l'État, sont des gens qui, des intellectuels comme eux, mais pas les petits paysans. Ils ne bavardent pas souvent avec eux. Le complexe continue, d'autant plus que même si nous sommes dans une même prison, dans les mêmes conditions, il y a nos familles qui nous rendent visite et qui amène encore la différence entre prisonniers. Quand on était ministre, c'est-à-dire que la visite qu'un ministre reçoit, ce n'est pas la même visite qu'un paysan. Il a plus de moyens que le paysan. Les autres pour lesquels, même ici, ce n'est pas le ministre qui va faire la vaisselle lui-même. Il a deux ou trois garçons qui vont faire la vaisselle pour lui. Trois prisonniers. Oui. Oui, oui. Il en a. Il a un prisonnier qui s'occupe de la vaisselle du ministre. Il y a un prisonnier qui s'occupe de la buanderie. Ce n'est pas le ministre qui va recevoir lui-même ses habits. C'est les petits gens qui viennent commander de la nourriture. Et en revanche, ils acceptent de faire les petits travaux. Eux, ils n'ont pas de problème parce que les petits gens, quand ils étaient chez eux, ils mangeaient à peine. Ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, ils le trouvent ici. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout complexés par la prison. Il y a des petits gens qui ne parvenaient pas à se laver, qui ne prenaient pas douche. Et pour le moment, ils prenaient douche chaque jour, alors qu'ils le faisaient une fois la semaine. Ils portaient des baboches régulièrement, alors qu'ils partaient pieds nus. Ils ne savaient pas utiliser les suimés. Pour le moment, ils le savent. Ils ne se brossaient jamais. Pour le moment, ils se brossent parce qu'ils essayent de regarder à côté ce qui se passe et ils essayent de demander, amène-moi une brosse à dents, je vais faire comme les autres le font. Si c'est l'école. Il n'y a jamais eu de commentaires en se disant, ces gens étaient puissants et maintenant, ils sont un peu comme nous. Mais les commentaires, il y en a qui font ces commentaires. Surtout certaines personnes qui sont condamnées, il y en a qui disent « Ah, ce sont eux qui nous ont demandé de faire ces choses et voilà, ils sont bien ici, ils sont visités par leur famille et je continue à croupir ici, je n'ai rien. Ce sont eux qui devraient occuper les belles places, les bonnes postes. Et moi, je n'étais rien, j'étais un paysan et voilà que je suis condamné. Je suis dans des conditions impossibles à cause de ces gens qui ont planifié quoi. » C'est ça que disent certaines personnes. Pas tout le monde, mais il y en a qui le disent. Quand ils commencent à faire ces commentaires, ils lui demandent, qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je vous ai demandé de tuer ton voisin? C'est-à-dire le ministre? Le ministre ou le député ou le préfet ou le bourgmestre. Est-ce que je vous ai demandé d'aller tuer vos voisins? Il ne parvient pas à répondre. Et on se sépare comme ça. Même les enseignants, tout le monde qui fit fonctionner dans le temps. Quand on dit que ce sont les intellectuels qui ont demandé aux paysans d'aller tuer. Il y en a qui nous trouvent. Même les paysans ne parviennent pas à pointer du doigt, tel m'a demandé d'aller tuer tel. Prison centrale de Kigali, quartier des femmes. Mon mari était Tutsi. Moi, je suis Hutu. Mon mari a été tué, mais je n'ai pas de détails sur sa mort. Dans ma commune, les miliciens tuaient tout le monde. Mais ils n'ont pas touché ni à moi, ni à mes enfants. Quand les guérilleros du Front patriotique ont pris ma commune, je me suis réfugiée dans la commune voisine. Au bout de 3 semaines, les miliciens sont venus là où je logeais. Ils m'ont dit « Donne-nous tes enfants ». Ils sont Tutsi. J'ai d'abord fait l'idiote et j'ai dit, regardez mes enfants, ils ne sont pas Tutsi. Les miliciens les ont pris et ils les ont tués tous les 5, y compris le bébé que je portais sur le dos. J'ai demandé aux miliciens de me tuer aussi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas pire mort que l'état dans lequel ils me laissaient. Après ça, je me suis réfugiée au Zaïre avec mes frères. Quand je suis revenue, ma belle-sœur et le neveu de mon mari m'ont accusée d'avoir livré mes enfants et ils m'ont fait arrêter. Que puis-je attendre de la vie? Je suis comme un arbre sans branche. Le verdict que j'attends des juges, mais on devrait me libérer. J'ai perdu les miens et je suis en prison. Je suis victime d'une terrible injustice. La justice classique, avec ses exigences, se heurte à l'impérieuse nécessité de réconcilier les Rwandais et surtout de rassurer les Hutus majoritaires dans le pays. Pour accélérer les procédures, mais surtout pour relancer le dialogue entre les communautés, les autorités ont décidé de réactiver les juridictions traditionnelles, appelées agachacha. Les prévenus qui ne sont pas accusés de crimes graves comparaissent seuls ou en groupe sur leurs collines ou dans leur quartier, devant la population. Cet exercice qui tient de la justice et du rituel collectif d'expiation commence à donner des résultats inattendus. Les langues se délient et on découvre alors l'étendue de la participation populaire au génocide, mais aussi la capacité des victimes à accorder le pardon. Par conviction pour certains, par résignation pour beaucoup. Laurent Kongori, avocat au barreau de Kigali. Légiférer dans une matière donnée, c'est la société qui essaie de trouver des solutions à un problème posé dans la société. Appliquer la justice classique depuis Napoléon, romano-germanique et tout ça, c'est très bien et c'est facile, puisque c'est ça, ou bien le common law, c'est ça que nous avons étudié. Mais le problème qui est posé dans notre pays, de juger tout ce qui est cette quantité, son nombre impressionnant de prisonniers, et ceux qui sont déjà dans les prisons et d'autres qui ne sont pas encore arrêtés, et le faire suivant la justice classique, tout le réalisme nous montre que ce n'est pas faisable. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que cette justice doit apporter la réconciliation parmi les Rwandais. Ce qui fait que, pour qu'il y ait réconciliation, il faut que les Rwandais eux-mêmes, ce génocide qui a été commis au grand jour, comme aujourd'hui, comme vous voyez sur le soleil, ça s'est fait au grand jour. Alors, il faut que les témoignages, que la vérité, il faut que tous ces Rwandais qui voyaient ce qui se passait aient la possibilité, cette fois-ci, vraiment, de participer à cette justice, ne fût-ce que à révéler et à dire clairement comment les choses se sont déroulées. Alors, cela rencontre, d'une certaine manière, la culture rwandaise. La gachacha, donc, dont on parlait ici, ce n'est pas la gachacha comme à la traditionnelle. D'ailleurs, c'est pourquoi nous l'avons baptisée juridiction à gachacha, avec trait d'union. Inhiko gachacha. Inhiko, dans notre langue, ça veut dire juridiction. Gachacha, ça veut dire gachacha. Donc, la participation, ça se faisait dans le temps, au niveau des familles, au niveau clanique, au niveau des chefs de famille, au niveau des collines. Et souvent, c'était pour, la plupart du temps, pour les crimes, plutôt pour les infractions mineures. Alors maintenant, comme il s'agit des crimes contre l'humanité, il s'agit des choses, des crimes beaucoup plus importants. Et on ne pouvait pas dire qu'il s'agit vraiment de la gachacha comme telle, comme à la traditionnelle. Nous avons ajouté qu'il s'agit des juridictions à gachacha. Les juridictions à gachacha, ça veut dire que cette fois-ci, il y aura l'écrit dedans, il y aura le procès-verbal de ce qui se dira dedans, il y aura une application d'une loi, de la loi écrite, et il y aura donc certains mécanismes du droit écrit qui vont être introduits, mais il y aura un déroulement très semblable un déroulement qui accuse la participation de la population dans ces procédures-là. Ce qui fait que, d'abord, nous pensons que ça va aider à ce qu'il y ait un grand nombre de dossiers qui peuvent passer beaucoup plus vite, parce que si nous avons un tribunal de première instance, pas la préfecture, que nous avons une préfecture, vous voyez que nous avons quelques juridictions. Mais si maintenant, au niveau de la cellule, et au niveau du secteur, ça veut dire que vous prenez le nombre de secteurs. Chaque commune a au moins une vingtaine de secteurs, ou bien 8, 9, 10. Alors, quand vous multipliez, ça fait une affaire impressionnante de sièges par jour. Et ce qui fait que, au point de vue numérique, ça peut donner de bons résultats. Alors, l'autre résultat attendu, c'est que si les Rwandais veulent vivre dans le pays en paix, il faut accepter de gérer des conséquences de ce génocide aussi ensemble, pour dire, et ne pas en faire une affaire de quelques élites de magistrats et d'avocats qui se mettent dans une maison qu'on appelle tribunal ou cour d'appel, et les autres, une autre grosse partie de la population qui a vu toute cette réalité et qui attend, parce que ce génocide concerne les victimes et les autres aussi. Je crois que les mamans qui passent des journées entières à transporter de quoi manger à leur mari ou à leur frère ou qui sont en prison, et chaque Rwandais aujourd'hui dans son pays, il vit les conséquences de ce génocide, les victimes du génocide le vivent de manière beaucoup plus criante, mais les autres aussi le vivent parce qu'ils ont les leurs en prison. Ils attendent de justice. Tous les Rwandais attendent de justice. Ce qui fait qu'il faut appeler à ces Rwandais qui attendent de justice et de tous leurs voeux, maintenant de montrer qu'ils veulent cette justice. Et de mettre la main dans la pâte eux-mêmes pour résoudre ce problème. Alors, s'ils y participent eux-mêmes, nous espérons qu'avec cela, ils arriveront aussi à une certaine réconciliation qui passe par cette justice. Ça a commencé, je pense, déjà depuis 1995. La population, les gens sur les collines, ont commencé à mettre en place les systèmes à gachacha, souvent avec l'aide des autorités locales, qui les rassemble et qui cherche à résoudre ces problèmes. C'est ainsi que les gens ont remis les vaches pillées ou volées pendant le génocide ou mangées. Et les gens, même les graines, le haricot, le sorgho, ils ont commencé à remettre aux rescapés ce qu'ils ont pris pendant le génocide. Même la réparation des maisons, dans certaines communes, mais là, comme c'est un peu plus compliqué, ça n'a pas été très fréquent. Mais même réparation des maisons, je pense que, par exemple, dans la préfecture de Gitarama, et dans certaines localités de la préfecture de Butare, là où je sais, où je fréquente le plus souvent, même les maisons, ils ont commencé à procéder aux réparations. Ce qui fait que pour les gens de la quatrième catégorie, même quand la Kachacha commencera à fonctionner, il n'y aura pas beaucoup de difficultés puisque ça avait déjà commencé à être exécuté avant la mise en place de cette nouvelle loi organique. La plupart des rescapés ignorent l'identité de ceux qui ont tué les leurs. Certains croient qu'ils côtoient peut-être tous les jours les assassins de leur famille. Les juridictions traditionnelles sont l'une des très rares occasions de faire éclater la vérité. Espérance, veuve Anyamata, ignore toujours celui ou ceux qui ont tué les 53 membres de sa famille. Il y a une attaque que je n'oublierai jamais, celle du 30 avril. Les assassins traquaient les gens qui se cachaient dans les marais. Ils les retiraient de l'eau et les découpaient à la machette. Ce jour-là, ils ont surtout tué des jeunes filles et des femmes. Ils les violaient à tour de bras. Ils ont ouvert le ventre d'une femme enceinte en disant qu'aucun bébé tutsi ne doit survivre. Je me souviens surtout d'une jeune fille dont la mort a été particulièrement atroce. Elle et moi, on était cachés ensemble. Les tueurs l'ont attrapée. Ils l'ont empalée jusqu'à ce que le morceau de bois lui sorte par la bouche. J'ai veillé sur elle en essayant de la masser, mais elle n'a pas survécu jusqu'à notre libération. Elle est morte dans les marais de papyrus. Quand je me souviens de tout cela, mon cœur s'encombre. Si la décision vient de la base, que les assassins reviennent là où ils habitaient, qu'ils disent « j'ai tué les tiens », que tu puisses leur demander pourquoi ils ont fait ça et en parler avec eux, alors peut-être que Dieu provoquera un miracle et que quelque chose se passera entre les génocidaires et les rescapés. Cela suppose que le pardon est un point de départ. Ce qui est inacceptable, ce sont les mots d'ordre qui nous demandent d'accorder le pardon. Je ne peux pas pardonner à celui qui ne demande pas pardon. Si un tueur se présentait, je lui accorderais mon pardon. Après tout, nous leur avons déjà pardonné, nous les avons laissés revenir du Zaïre. Mais il faut qu'eux aussi ouvrent leur cœur, qu'ils se montrent et demandent pardon. Rwanda, 1999, le temps du pardon. Avec le père Eustache, Gassana Ndoba, Jean de Dieu Moukio, ministre de la Justice, Jean-Christophe, capitaine à la prison centrale de Kigali, Jean-Pierre Ategekimana, alias Ninja, condamné à mort, Noé Hitimana, ancien journaliste à la radio-télévision libre des Mille Collines, Laurent Kongori, avocat, Ernest Gwagasana, Espérance du village des Veuves de Nyamata, Euphrasie et Mechtilde, prisonnières à Kigali. Rwanda, 1999. Revivre à tout prix. Pierre Mine,